Chapitre 15. Les deux frères apprirent bientôt qu'il est très difficile de se loger quand on joue du violon. Pendant plusieurs semaines, ils errèrent de coin en coin, toujours évincés, soit par les propriétaires, soit par leurs compagnons de chambre, que les exercices de Démiane troublaient dans leurs méditations. Enfin, M. Roussoff ayant trouvé une leçon de plus pour le jeune musicien, nos amis se virent assez riches pour prendre une chambre à eux seuls, et c'est le cœur gonflé d'orgueil que Victor se mit à la recherche de cet Éden. Après quelques jours de courses infructueuses, il finit par arriver tout au bout de la ville, dans un quartier écarté, près de la gare du chemin de fer de Nijni Novgorod, devant une maison de bois composée d'un rez-de-chaussée et d'un grenier, dans lequel un propriétaire ingénieux avait fabriqué une soupente, et extrêmement vieille, si bien qu'elle s'en venait tout doucement vers les passants, menaçant un beau jour de tomber dans l'étroit jardinet qui la séparait de la rue. Les rondins frustes qui la composaient la rendaient pareille à une cabane de paysans. Mais des stores de calicot bien blanc descendaient au tiers des fenêtres que tapissaient à l'intérieur des plantes chargées d'une riche verdure. Victor s'était arrêté à contempler cette modeste demeure. « Comme on serait bien là, se disait-il, s'il y avait quelque chose à louer. » Il y avait précisément un petit carré de papier à l'une des fenêtres. Il s'approcha et lut avec satisfaction « Allouer une chambre pour deux messieurs célibataires ». Plein d'espoir, il sonna à la petite porte, jadis peinte en jaune. Une femme d'environ 40 ans, à l'air triste, pauvrement vêtue, vint lui ouvrir, et il se sentit aussitôt pris de sympathie pour elle. « C'est vous la maîtresse du logis ?» lui dit-il sans cérémonie. « Je viens pour la chambre à louer. »« Entrez, » dit la femme triste, « c'est par ici. » Elle ouvrit une porte, et Victor vit une jolie petite chambre meublée de deux lits en fer, d'une table de toilette, d'une autre table et d'une étagère. Toute la paroi du fond était occupée par un piano ancien, monté sur 4 pieds ronds ornés de chapiteaux en cuivre à la mode du Premier Empire. Affreux piano, qui devait avoir un son aussi grêle et aussi sec que le bruit des sauterelles en été. Le papier, d'un bleu vif, donnait une impression de joie et de paix à cette chambrette. « Si le piano vous gêne, » dit mélancoliquement la propriétaire, « on pourra l'ôter, mais je ne sais pas trop où on le mettra. »« Il peut rester là, » dit Victor, dissimulant sa joie. « Mais je dois vous dire que mon frère joue du violon. Est-ce que vous pensez que cela vous dérangera ?»« Non, » fit-elle, « cela ne me dérangera pas. Mon mari jouait aussi du violon dans les bals chez les particuliers. » Mais il est mort. Cela vous fera peut-être de la peine ? Demanda Victor, toujours plein de compassion pour les misères humaines. Non, je crois plutôt que cela me ferait plaisir. Il y a un autre locataire dans la chambre à côté. Je lui demanderai. Mais je ne pense pas que cela le gêne. Il travaille chez un luthier allemand, et il apporte ici des manches de violon et toutes sortes de choses extraordinaires pour travailler à son compte le soir et les jours de fête. Victor resta pensif. Mais un homme qui faisait des violons ne pouvait pas redouter la musique. « Et combien par mois votre chambre ?»« 8 roubles avec le linge et le samovar. » C'était beaucoup relativement aux ressources de nos amis. Victor marchanda pendant 1 heure et obtint une diminution de 2 roubles, ce qui était un bon marché fabuleux. « Et pour la nourriture ?» dit la propriétaire toujours affligée. « Quand vous voudrez, je vous ferai un dîner pour 25 kopecks par personne, de la soupe et un plat. » « C'est entendu, » répondit le jeune homme. Il se hâta de s'assurer ce palais, puis il retourna vers son logis, plein de joie et d'orgueil. Il s'applaudissait en lui-même de sa négociation et peu s'en fallut qu'il ne se crût diplomate. Démiane ne fut pas moins content de la chambre bleue. C'était un peu loin, c'était même très loin de tout, mais « Tu verras comme ça sera joli au printemps, » disait Victor. Et puis ils étaient seuls dans leur chambre. Cette solitude ne pouvait assez se payer. Leur déménagement s'effectua sans grands frais. Ils prirent leur mal chacun par une poignée, et portant avec eux toute leur fortune, un beau soir de novembre, ils entrèrent dans leur nouvelle demeure. Quand Démiane se fut assis et qu'il eut essuyé son front moite, « Il me semble, dit-il, que nous allons être très heureux et commencer une nouvelle existence. » Ils avaient à peine eu le temps de regarder leurs meubles qu'on frappa à la porte. « Ce doit être la propriétaire qui vient nous demander si nous voulons le samovar, » dit Victor. Il ouvrit avec empressement. Ce n'était pas la propriétaire, mais un petit homme blond, si blond qu'il en paraissait blanc, avec une barbe rousse clairsemée et des yeux bleus faïence, aussi vifs et aussi mobiles que les yeux faïence le sont peu en général. « Bonsoir, » dit-il en s'arrêtant sur le seuil. « Je suis votre voisin. Je loge dans la chambre à côté. La propriétaire m'a dit qu'il y a un de vous qui joue du violon. Moi, j'en fais des violons. Permettez-moi de faire votre connaissance et de me présenter moi-même. André Stepanitch Ladov, du gouvernement de Voronej, tombé à Moscou par hasard, et employé chez Miller, luthier à Livonovskaya. » Après avoir débité ce discours tout d'une haleine, il salua et se tint debout, attendant une réponse. « Victor et Demian Markov, » dit le jeune musicien en souriant. « Je suis un futur grand artiste, si je puis y parvenir, et mon frère est mon prophète, en attendant mieux. Fils de prêtre, du gouvernement de Koursk, et très enchanté de faire votre connaissance. » Les jeunes gens se serrèrent la main, et André entra tout à fait. « Voyez-vous ce piano ? » dit-il en indiquant le maigre instrument. Je l'ai démoli complètement l'an dernier pour apprendre et je l'ai reconstruit tout seul. Par exemple, je ne dis pas qu'il en soit meilleur pour cela. Jouez-vous du piano ? Un peu, dit Demian, mais si peu que cela ne vaut pas la peine d'en parler. Le petit homme blond se mit à rire. J'ai connu, dit-il, un monsieur qui jouait de la flûte et qui avait appris le piano pour s'accompagner lui-même pendant qu'il jouerait, quand il n'aurait personne pour lui rendre service. Je ne prétends pas vous donner le conseil d'en faire autant. Mais un violoniste devrait toujours savoir jouer du piano, quand ce ne serait que pour remettre son accompagnateur dans le bon chemin quand il se trompe. Messieurs, veuillez passer chez moi pour prendre une tasse de thé. Vous avez autre chose à faire ce soir que de vous occuper de ménage. Je serai heureux de vous voir accepter mon hospitalité. » Le singulier petit homme guida ses hôtes improvisés dans la chambre voisine qui offrait l'aspect le plus bizarre. Des morceaux d'ivoire, d'ébène, d'acajou, gisaient pêle-mêle dans un grand bol russe, jadis rouge et or, complètement terni par le frottement de tous ses angles. Un écheveau inextricable de cordes de toute grosseur, accroché à un clou, descendait jusqu'à une table placée en travers de la fenêtre et couverte d'outils de toutes formes. Une odeur de colle-forte assez prononcée remplissait l'appartement, mais pour l'instant elle était déguisée par le parfum du thé bouillant et la vapeur âcre du charbon contenu dans le samovar. Une assiette pleine de biscottes et une corbeille contenant deux petits pains blancs témoignaient de la munificence de l'hôte. « Ne faites pas attention, dit-il, à toutes ces choses qui sont sur les murailles. Il n'y a dedans aucun esprit malin. » Naturellement, nos amis regardèrent de tous leurs yeux les objets auxquels il ne fallait pas faire attention. Leur forme était en effet propre à faire supposer quelque maléfice, quelque incantation secrète. C'étaient tout simplement des boîtes et des manches d'alto et de violon. Mais ces pièces inachevées avaient quelque chose de mystérieux et de fantasque. Les trous noirs, surtout au milieu des boîtes, évoquaient l'idée de quelque démon prêt à surgir. Comme la propriétaire s'en retournait après avoir apporté la crème, un bruit étrange se fit entendre dans une des boîtes, la plus grande, suspendue à la hauteur de la tête d'André. Ce bruit se répéta, semblable à une plainte. Puis un grattement fit résonner l'instrument sonore. Les deux frères s'entre-regardèrent avec un certain frisson. « Y aurait-il un esprit malin ?» fit André, qui, par nature, semblait imperturbable. « S'il y en a un, qu'il se montre. »« Paraît !» cria-t-il d'une voix tonnante, en étendant les bras vers l'objet. Le gémissement se répéta faiblement, aigu comme une aiguille, et le même grattement se réitéra avec une force nouvelle. Au moment où André s'approchait avec la bougie pour vérifier la cause d'une manifestation aussi insolite, pendant que nos amis se regardaient avec une vague inquiétude, la tête d'un petit chat gris apparut au bord de l'âme de l'alto, surmontant deux petites pattes très bien garnies de griffes, qui s'efforçaient de soulever le corps du chaton. « Comment, c'est toi qui nous fais des peurs semblables ?» dit André, qui, à ce qu'il paraît, avait observé ses hôtes sans avoir l'air d'y prendre garde. « C'est toi, petit gris. Comment diable as-tu fait pour monter là-dedans ? Tu y auras sauté de dessus la commode ? Et tu as fait la sieste ? Et maintenant tu veux de la crème ? Comment t'y prendras-tu pour descendre à présent ? Ce n'est pas tout d'occuper une position élevée. Il faut savoir la quitter noblement. Demande plutôt au ministre quand on en met d'autres à leur place. » Petit gris, très perplexe, était venu à bout de se jucher des quatre pieds sur le bord du trou. Mais la distance de son poste à la table était formidable pour un si petit corps. Il avait beau faire le gros dos et agiter sa queue en guise de balancier, son équilibre était des plus instables. « Ne dirait-on pas la politique européenne ?» dit André en le voyant osciller. « Allons, viens, mon ami, et apprends que les grandeurs sont parfois un fardeau bien pénible. » Il prit délicatement le chat sous le ventre, l'enleva en l'air, lui fit faire ainsi le tour de sa tête, puis le déposa sur la table où cet animal encore dépourvu d'éducation morale et probablement destiné à ne jamais en avoir, se dirigea immédiatement vers le pot de crème. « Attendez !» fit André en l'arrêtant dans sa marche, non sans rencontrer une résistance énergique. Il lui versa de la crème dans une soucoupe, et le chat se mit à la laper avec une satisfaction évidente, après quoi il s'assit et clignota des yeux à toute la compagnie, tout en passant sa langue sur ses babines avec une lenteur voluptueuse. « Si jeune !» dit André en versant du thé à ses nouveaux voisins. « Si jeune, il a déjà tous les vices. Ah, messieurs, le monde est bien fait. Rien n'est mieux fait. Le petit gris est né paresseux, gourmand et voleur. Et admirez la Providence. Je me trouve là, tout à point, avec une boîte d'alto pour sa sieste et de la crème pour son souper. Quelle prévoyance !» Les deux frères ne comprenaient guère l'ironie et gardaient le silence, faute de savoir que dire. Victor se hasarda cependant. « Ce chat est à vous ?» dit-il d'une voix timide. « C'est là qu'éclate, dans toute sa beauté, la puissance occulte qui nous gouverne, » répondit André. « Non, messieurs, non, mes amis, osais-je dire, Petit Gris n'est pas à moi. Il appartient à ma propriétaire et c'est moi qu'il chérit. Non seulement il me chérit, mais par une loi mystérieuse d'affinité, moi qui ne me soucie point de lui, je l'héberge et je le nourris. Il couche sur son propre oreiller, messieurs, et la nuit, quand je bouge et que je le dérange, involontairement, je vous prie de le croire, il m'allonge un coup de patte pour me faire entrer dans l'ordre et la soumission qui sont l'apanage de l'homme vis-à-vis de la bête, quand une fois il lui a permis l'accès de son domicile. « Vous aimez les chats ?» demanda Victor, qui comprenait de moins en moins. « Moi, pas du tout. Je ne les aime ni ne les crains. Ils ne me sont rien de plus que les autres animaux. » « Mais alors, pourquoi êtes-vous si bon pour celui-ci ? » fit Demian, qui sentait quelque chose de caché sous ce bavardage en apparence futile. « Parce que, » fit André, en appuyant le plat de sa main sur le bord de la table, « si je permets à cet animal d'entrer chez moi, je lui dois aussi l'hospitalité, dans le sens véritable du mot. Il vient à moi avec confiance. Devrais-je le trahir dans ce noble sentiment et me faire mépriser par un chat ? Quel chat ? Un tout petit chat ! Pour avoir agi déloyalement vers lui, j'aurais dû lui interdire l'accès de cette chambre. J'ai manqué d'énergie pour le faire, et d'ailleurs, les chats se faufilent partout. J'ai bien un peu résisté, mais faiblement. Il a senti mon infériorité, et s'en est servi désormais pour me dominer complètement. C'est l'histoire éternelle de l'homme et de la femme, de Samson et Dalila, des peuples et des gouvernants. Petit Gris, tu es à la fois une leçon de morale et une leçon d'histoire. » Le chat regardait tour à tour les trois jeunes gens, en ouvrant et fermant ses yeux verts, dont la pupille apparaissait comme une ligne noire à peine renflée au milieu. Les jeunes gens écoutaient ébahis, et Victor se demandait si leur hôte n'était pas un peu fou, quand celui-ci se tourna vers Demian. « Quel âge avez-vous ? » lui dit-il, « si toutefois ma demande n'est pas indiscrète. » « J'ai 18 ans, » répondit le jeune homme, un peu honteux, de n'être pas plus âgé. « Et vous ?» « Bientôt 20, » répondit Victor avec assurance. « 20 ans, c'est un chiffre, et on peut l'avouer le front haut. Vous êtes bien jeune pour tenter le grand plongeon, mais on s'y fait plus vite. J'étais plus jeune que vous quand j'ai fait plein eau dans le bourbier de la vie. »« Vous n'avez pas toujours été luthier ?» demanda Demian, qui venait enfin de saisir un fil conducteur. « Ah, vous avez vu cela, jeune homme. Pas mal pour un commençant. Non, mes voisins et amis, je ne suis luthier que depuis 4 ans. Jusque-là, j'étais étudiant à la faculté de droit, dans cette bonne ville de Moscou, et je n'avais plus qu'une année de travail devant moi pour obtenir ma licence, quand je me suis fait luthier. Un beau métier, messieurs. De votre plein gré ? Demanda Demian, enhardi par la certitude d'être sur la piste de la vérité. De mon plein gré, si l'on veut, oui, en ce sens que j'ai mieux aimé être luthier que bottier ou commis au bazar. Mais ce n'est pas de mon plein gré que j'ai brisé ma carrière. Pourquoi vous le cachez d'ailleurs? Ce n'est pas un mystère, et puis ce n'est pas vous qui chercherez à me nuire. J'étais compromis dans un esclandre à l'université, comme un imbécile que j'étais. J'ai frisé la Sibérie. Heureusement que je m'en suis tenu là. Mais il n'y avait plus de carrière administrative pour moi. Et ma foi, je me suis mis à faire des violons. Voilà mon histoire. Demian était resté silencieux. Au bout d'un instant, il formula ainsi sa pensée. Vous avez dit tout à l'heure, je vous demande pardon, que vous étiez un imbécile d'avoir pris part à cet esclandre. C'était une réclamation, je crois. Vous vouliez donc des choses déraisonnables? Et non, rien de déraisonnable. Mais c'est la forme qui était stupide. On ne fait pas de tapage quand on a le droit pour soi. On attend son heure. Et quand elle est venue, on parle. Ce n'est pas en cassant des chaises qu'on réforme des abus. Victor tombait de fatigue et entendait à peine la conversation que son frère venait d'engager avec leur nouvel ami. Au bout d'une demi-heure, Demian se leva, étendant la main à leur hôte. « Je crois, lui dit-il, que je vous importunerai souvent, car j'ai tout à apprendre et vous me paraissez un bon professeur. »« Je vous apprendrai tout ce que vous voudrez, » répondit celui-ci, « même à faire des violons, si vous voulez. »« À faire des violons ?» répéta Victor, qui se réveilla tout à coup. « Et des projets de loi, pour un temps extrêmement éloigné, un temps où ni Petit Gris, ni vous, ni moi, ne serons plus de ce monde, » dit André, en les éclairant jusque chez eux.